Pris sur le vif. Écoutez. J'ai l'impression que tu n'es pas dans ton assiette. Quelle idée ! Si, si, tout va bien, je t'assure. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Tu n'as pas desserré les dents depuis que tu es rentré. Répétez. J'ai l'impression que tu n'es pas dans ton assiette. Quelle idée ! Si, si, tout va bien, je t'assure. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Tu n'as pas desserré les dents depuis que tu es rentré. Écoutez. Alors, vous pensez vraiment que ce n'est pas la peine que je vienne lundi matin ? Mais non, ne vous tracassez pas. Ça ne vaut pas la peine de faire le trajet pour si peu. Pour une fois, je me débrouillerai seul. Le lundi matin, en général, il n'y a pas beaucoup de monde. Répétez. Alors, vous pensez vraiment que ce n'est pas la peine que je vienne lundi matin ? Mais non, ne vous tracassez pas. Ça ne vaut pas la peine de faire le trajet pour si peu. Pour une fois, je me débrouillerai seul. Le lundi matin, en général, il n'y a pas beaucoup de monde. Écoutez. Tu sors comme ça ? Ton pantalon est dégoûtant ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que je ne veux pas te voir sortir comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Répétez. Tu sors comme ça ? Ton pantalon est dégoûtant ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que je ne veux pas te voir sortir comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut faire ?